On va parler de hockey junior régional, la Ligue JLS. Qu'est-ce qui se passe? On sait que la Ligue actuellement, on est en zone rouge. Aux dernières nouvelles, le Hockey Québec, il n'y avait pas nécessairement de reprise à court ou moyen terme. On va en parler avec le président Danny Larouche. Salut, Danny. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Danny, si on parle un peu de là, on sait tout là, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, bon, on est en zone rouge, on ne sait pas quand est-ce qu'on va recommencer. La Ligue, il se passe quoi avec la Ligue, là? Est-ce qu'on pourrait faire une Ligue de printemps, genre, pour compenser un peu? Mettons que ça arriverait au printemps, puis qu'on dirait, bon, on est en zone normale, zone rouge ou orange, là. Est-ce qu'il y a un scénario d'envisager pour avoir une Ligue de printemps, pour avoir un peu de hockey? Ben, je vais t'expliquer un petit peu là, où est-ce qu'on en est rendu, puis qu'est-ce qui peut arriver. Là, on est en zone vraiment rouge, là. Fait que la journée qu'on va revenir probablement, c'est en phase 5, c'est encore les hockey mineurs qui vont gérer un petit peu avec la fédération. Quand on va être en phase 6, les ligues, on va rentrer en ligne de compte. Nous autres, la Ligue JMS, on est prêt à rentrer en ligne de compte en phase 6. La journée qu'ils vont nous dire, Passer, c'est du hockey normal, là. calendrier C'est du et, hockey normal. Ça ouais, veut dire mise en échec et tout ça, là. Faut le spécifier. exactement, puis peut-être avec quelques changements là, dus à la situation, là. Mais on revient avec du hockey normal. Fait que, mais nous autres, on est prêts là, avec un calendrier déjà de fait à partir de des dates spécifiques. On a déjà travaillé, là, moi puis mon conseil d'administration, du côté, toutes nos équipes midget sont prêtes, nos équipes juniors sont prêtes. Peu importe à quelle date ça va partir, puis je pense qu'on est tous un petit peu en manque de hockey, puis Ben, c'est on veut sûr, que ça parte c'est le plus sûr. rapidement possible. Puis, mais pour ça, nous autres, la Ligue JMS, on était un petit peu proactifs là-dessus. Je sais qu'il y en a que ça a fait, ça a pas beaucoup aimé parce qu'on a fait des horaires, mais on a fait des horaires internes à la Ligue avec nos équipes parce qu'on sait que nos équipes, supposons juniors, les petits gars, ils ont besoin de savoir des dates pour les écoles puis tout. Mais là, avec les écoles, ils savent pas non plus ce qu'ils s'en vont puis ils Ben, comprennent très personne sait. bien ça. Où ce qui peut nuire un petit peu, c'est le hockey printemps. Si ça arrive printemps, nous autres, nos équipes juniors, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur. Fait que c'est peut-être là que ça peut nuire, mais ça, je pense, rendu là, il faudra regarder. Puis il va y avoir des grosses possibilités là, que la Ligue GMS, là, la journée qui nous donne le goût, d'autres, on est prêts. Donc, écoute, ça dépend de Hockey Québec, y a rien de fait là-dedans, mais. Donc, les joueurs, eux autres, ils en disent quoi là-dessus? Tu parles de perdre des joueurs, tu parles de perdre des bénévoles dans les organisations, parce que je parlais avec quelqu'un tantôt, puis il avait raison, là. Je suis en train de préparer mes entrevues pour la période des fêtes, puis lui, il dit, j'ai peur pour les organisations. Il dit, à un moment donné, quelqu'un t'arrête, c'est dur à recommencer. Est-ce que ça, du côté, autant des joueurs que du côté, des bénévoles, t'as l'assurance quelqu'un va être prêt, on va être prêt. C'est tout. Ben, nos équipes midget, de nos équipes juniors, toutes les organisations, on a des assurances qui vont être là. Les Le joueurs aussi. seul équipe, oui, les joueurs aussi sont prêts, puis tout. C'est sûr que, rendu là, il va peut-être avoir des changements, il va peut-être avoir des choses, mais nos équipes, je pense qu'ils sont prêtes. Ils ont travaillé énormément fort, ils ont été créatifs le temps qu'ils étaient en phase 5, qui faisaient du hockey interne, là. Moi, j'appelle ça du hockey interne un peu parce que c'était entre eux autres, puis tout. Ils ont été très créatifs, ils ont gardé les joueurs avec une certaine. En tout cas, les petits gars étaient contents d'aller à l'aréna. Le junior, ils se sont aussi ajustés un peu à ça. Moi, je pense que si on en perd, on n'en perdra pas beaucoup. Du côté aussi, donc ça pourrait commencer. Mettons que la saison pourrait commencer en mars. Il y a des assurances de prix également avec les arénas aussi, de mars à juin. Même dans la Haute-du-Lac, que ça fermait. Tu sais que les arénas dans la Haute-du-Lac, ça ferme de bonne heure, là. Donc, eux autres, Oui, j'imagine que. Mais, je sais pas, j'ai pas vérifié avec ici à Delbeau, à Normandin, à Saint-Félicien. Si jamais il y a une saison en mars, avril, mai, ça c'est possible de faire ça même à Delbeau? Ben, ça, je sais que là, en ce moment, là, la Fédération régionale puis Hockey Québec sont en pourparlers avec c'est une association ou avec les municipalités pour du côté des infrastructures pour pouvoir les garder plus longtemps que les dates prévues. Parce que c'est des frais de plus, c'est de l'argent de plus, tout. Mais accepter que sont là-dessus. Ça, nous autres, la Ligue, on n'a pas grand pouvoir là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est vraiment avec la Fédération régionale puis Hockey Québec, là. OK. C'est un dossier qui sont déjà là à travailler en ce moment. OK. Ben, Danny, on va surveiller le dossier de près. C'est vraiment une situation qui est plate pour tout le monde, mais regarde, coudonc, on est rendu là, ça a l'air. Fait que je te souhaite de joyeuses fêtes, puis on se reparle dès l'ouverture de la saison. Bon, ben moi pareil, puis je souhaite des joyeuses fêtes à tous tes auditeurs, puis à nos partisans, puis nos organisations et nos joueurs, puis je suis certain qu'on va avoir du hockey cette année. OK. Faut être positif. Le président Danny Larouche.